Salut à tous, et c'est une version live d'un titre des Belges Balthazar qui commence notre pop and rock, et ça fait du bien parce que en plus ça faisait des lustres que je ne vous les avais pas envoyés. Je dirais même que ça fait plus que du bien, ça revigore, ça réveille, ça fait bouger. Mais une fois qu'on a dit ça, avec quoi on enchaîne ? Owl Nation, voilà aussi bien longtemps qu'ils n'étaient pas venus nous visiter. The Best par Owl Nation tout de suite dans Pop and Rock sur la trail locale RVR. Balthazar et Owl Nation, pour commencer un pop and rock, je trouve ça pas mal, même très bien, mais l'essence de pop and rock, c'est aussi d'essayer de vous proposer quelques nouveautés. Et là, on sort de la pop de Owl Nation pour se frotter au dernier album des Anglais de Yard Act. Horses banded up his bloody knees. Puff

Les 4 gars de Leeds de Yard Act réunis en force pour nous offrir un mélange post-punk qui me fait penser à nos potes des Sleaford Mods. Rappelez-vous, Amy Taylor rend visite aux Sleaford Mods et ça donne Nudge It. J'adore le Gimme Gimme Gimme de Amy Taylor dans ce titre des Sleaford Mods. De mémoire, Amy Taylor est la folle chanteuse de Amy et de ses Sniffers, groupe australien. Allez gratter et chercher pour écouter Got You ou encore Some Mutts, deux titres que nous avions écoutés dans Pop and Rock il y a quelques mois et qui reviendront sûrement à l'heure des bilans. Mais en attendant... Salut, on est Raskolnikov, vous écoutez Pop and Rock sur RBR. Raskolnikov, eux aussi, à l'heure du bilan de Pop and Rock, ils auront une place au tableau d'honneur, et pas seulement parce que le titre qu'on vient d'écouter et de partager est bon, mais aussi parce que matière vivante de Raskolnikov en vaut la peine. Pop and Rock sur RVR, on adore Raskolnikov, mais on aime également les vieux titres de Placebo. Bon, ce soir, à part Amy Taylor qui a fait une petite apparition avec les Sleaford Mods, pas de filles encore dans Pop and Rock. Alors on va se faire une petite session de rattrapage et remonter à novembre 2021, mois pendant lequel je n'avais pas noté la sortie du nouvel album de Courtney Barnett. Hasard ou pas, la douce Courtney Barnett vient comme Amy Taylor du pays des Wallabies. Avec sa pop rock, elle me fait beaucoup de bien, alors double dose. Of course, deuxième titre de notre deuxième découverte du soir, Courtney Barnett chante Before You Gotta Go On en session live. « gotta go, go, go, go. I wanted you to know, no, no, no. You're always on my mind. You're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind. To be unkind. We got angry, said some careless things. Who was wrong remains unclear. Pride like poison, always keeping score. You don't have to slam the door. Rayon défi dans Pop and Rock sur RVR, on a aussi les deux copines de Sleater-Kinney, rappelez-vous. We'll be right back. Bon, ok, il faut bien le reconnaître, j'ai des chouchous au niveau de Pop and Rock et les deux filles de Sister Kinney en font partie depuis quelques mois. Par contre, les gars de Sad Lovers et Giant, eux, ça fait des années que ça dure. Et miracle, malgré les années, les splits, les différents délires de la vie, les Sad Lovers and Giants arrivent encore à me faire plaisir. Dans les années 80 déjà, je vibrais grâce aux Sad Lovers and Giants, notamment grâce à ce morceau. Pop & Rock touche à sa fin sur RVR, mais je veux, avant de nous quitter, vous faire un petit cadeau. Le son n'est pas très bon, mais la musique est géniale. On écoute Dead Radio en live de Roland S. Howard. To ignite it. to extinguish. C'était donc le défunt Roland S. Howard qui vient de nous offrir Dead Rally au sol face à un public médusé, accompagné de sa seule guitare. Et ce son a été capté à l'arrache, mais je ne peux m'empêcher de l'écouter et de regretter de ne pas avoir été dans la salle. Nous ne referons pas l'histoire, par contre nous allons la finir pour ce soir, car nos 59 minutes touchent à leur but. C'est Noël Gallagher et ses oiseaux voltigeurs qui vont clore le 156e numéro de Pop & Rock. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Had I walked you home, I said I'd see you later. You were living the dream, but when the morning comes, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. Chose to drift away, look at you now.